On va parler de Bâle. C'est que la saison est pratiquement est terminée. La semaine passée, ça a été une finale enlevante. Ça s'est soldé lors du match décisif. Question de savoir un peu, de faire un peu le bilan de la Ligue de Bâle donnée de Robert Bâle. On parle avec son président, Jonathan Thibault. Salut, Jonathan. Salut, Dan. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va bien, Jonathan. Une belle année? Oui, très belle année encore cette année. On en était à notre sixième saison officiellement depuis que la balle rapide était tombée à Robert Bâle. Donc, la Ligue de balle lente, ça faisait maintenant 6 ans. Est-ce que tu vois une progression? Parce que, tu sais, à quelque part, balle donnée, baseball, balle molle, c'est pas mal. C'est tout dans la même famille, là. Depuis, je dirais, 2011-2012, on voit comme une renaissance de la balle. Est-ce que, dans les inscriptions puis dans l'intérêt, est-ce que tu vois que ça revient finalement? Certainement. Si on parle de Robert Bâle, au niveau du taux de participation, de l'intérêt, puis même de la motivation à participer à la Ligue, mais je parle de la Ligue adulte, naturellement. Ouais. Sauf qu'on peut aussi faire le parallèle avec les jeunes qui sont de plus en plus intéressés à jouer du baseball. On sait que les baseball mineurs, pardon, sont plus vraiment actifs dans nos régions. De plus en plus, on prend Normandin, Saint-Félicien, Adélien, et même cette année à Robert Bâle, c'est vraiment de style loisir, mais on a des jeunes Robert Bâle qui ont pris des groupes de jeunes afin de les initier au baseball, donc c'est de la relève pour plus tard, mais c'est une belle opportunité pour eux là, de découvrir ce beau sport-là. OK. Est-ce que toi, j'imagine que tu joues dans la Ligue de Balmol, donc à quelque part, c'est ça ta motivation d'être président, mais est-ce que éventuellement il pourrait y avoir des ligues de balle molle à Robert Bâle également pour les jeunes, plus jeunes un peu? Certainement. OK. C'est dans les cartons. Je crois que c'est même l'objectif, sauf que ça prend quelqu'un qui prend ça en charge à la base. Ouais. Moi, je le fais sur une base bénévole pour la Ligue adulte. Mm. Donc, le but étant de jouer, oui, de pratiquer le sport, mais d'en faire profiter, une bonne partie de la population de Robert Bâle et des alentours. OK. Donc, pour les jeunes, c'est certain que le marché est là, puis l'intérêt est là aussi. OK. Est-ce que tu pourrais avoir, on va y revenir du côté adulte, je sais qu'à Dolbeau, ça fonctionne encore, je ne sais pas, je pense que c'est efficient également. Est-ce qu'il pourrait y avoir des matchs Robert Bâle contre Saint-Félicien, contre Dolbeau, ou ça va rester tout simplement Robert Bâle? Pour l'instant, moi j'ai été approché l'an passé. OK. Parce que tu es en train de me parler là, de faire des espèces de matchs avec des équipes de Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien, etc. Pour l'instant, nous, on voulait s'en tenir à notre ligue. Par rapport au fait que le jour de match qui avait été sélectionné était le jeudi soir. Okay. Nous, on joue le mardi et le jeudi soir. Mm. Donc, l'objectif étant de ramasser un petit peu, premièrement, d'offrir un calibre de jeu qui est assez intéressant. Donc, d'essayer de ramasser les meilleurs joueurs de la Ligue de Robert Bâle et Dolbeau, Saint-Félicien et les autres villes feraient la même chose. Okay. Donc, un petit peu sortir là, les meilleurs atouts de chacune de nos villes, puis de faire des matchs les jeudis soirs afin de créer là, une compétition entre nos villes au baseball. Donc, c'est pas impossible. Qui est nécessairement impossible, mais pour cette année, du moins, j'ai un petit peu mis ça de côté. Mis mes énergies sur la ligue de balle là. OK. 6 équipes, c'est-tu pas mal le maximum ou vous avez augmenté? Ça fait 6 ans que c'est commencé. Vous avez-tu augmenté ou ça a pas mal été le maximum? La première année, j'ai commencé avec 4 équipes. OK. Et puis, ça fait maintenant 5 ans, les 5 dernières années. On fonctionne à 6 équipes. L'objectif étant, je te dirais qu'on pourrait monter probablement à 8 équipes. Ouais. Mais l'objectif, c'est d'avoir une ligue en santé. On connaît que tous les joueurs là, ont des empêchements des soirs donnés, donc ça prend quand même une liste de remplaçants qui est bien garnie. Donc, en ayant 6 équipes de 11, okay. C'est rare que les 11 joueurs sont présents. Donc, dans notre ligue, on peut jouer 10 joueurs sur le terrain seulement. On peut frapper 11 cependant. Et puis, c'est rare que les 11 soient toujours présents. Ben ouais. Et on peut remplacer à partir de 9. Notre liste de remplaçants, on parle facilement là, d'une quinzaine de joueurs qui sont disponibles à remplacer. Donc, le calcul rapide, 15 avec nos 6 personnes supplémentaires, autrement dit, dans chaque équipe. On pourrait facilement se rendre à 8 équipes, mais probablement avoir une plage horaire à 3 soirs de balle semaine. OK. Donc, comme je te dis, la formule pour l'instant fonctionne très bien. Notre formule de repêchage, 2 soirs semaine. Tout le monde est heureux avec ça, donc dans ce temps-là, on essaie de pas trop se casser la tête. Et avec raison, là. Ben, c'est ça. Fait que le monde sont satisfaits de ça. Fait qu'on essaie de peaufiner, là, finalement, notre formule, puis continuer avec ce qui fonctionne bien. Là. C'est ça l'objectif. OK, OK. Donc, l'an prochain, tu prévois pas beaucoup de changements. Ça a été toute une finale, hein? Oui, en effet. Très bonne finale. Ouais. Personnellement, je considère que c'est vraiment les deux meilleures équipes qui étaient là. Okay. De fait, ça a été jusqu'au match ultime, donc 5 matchs. Tous des matchs là, assez serrés. Donc le calibre est intéressant de notre ligue. Puis les équipes sont assez balancées aussi. Ouais. Ça fait en sorte que tout le monde s'amuse et compétitionne là, d'une bonne façon. Puis on n'a pas. C'est la formule de repêchage qui fait tout ça. Ah oui, effectivement. Parle-moi maintenant de l'arbitrage. J'ai eu Wizix qui avait eu des un petit peu durant la finale du mauvais un petit peu. Ça a été plus difficile un petit peu. Est-ce que ça, on va travailler à essayer d'améliorer ça? Je sais que c'est des bénévoles, il faut pas les critiquer, là, mais quelque part, est-ce qu'on pourrait travailler pour. Oui, exactement. Ouais. Est-ce qu'on pourrait améliorer le ce côté? Même je m'inclure moi-même, j'en ai beaucoup. On a un groupe qui est assez restreint au niveau des arbitres. Ouais. On a toujours un arbitre qui est neutre, donc il joue pas. Mais il y a toujours deux arbitres par match avec un groupe là. Écoute, là, je les compte sur une main. Il n'y en a pas beaucoup là, qui sont disponibles ou qui veulent donner du temps. Fait que on fait du mieux qu'on peut. Ouais. On est là pour les bonnes raisons. C'est certain que on compétitionne, hein. Donc, ouais. On est tous là pour avoir du sport. Le fond vient aussi en gagnant pour certains, même beaucoup d'entre nous. Puis le fait d'avoir l'impression de ne pas avoir eu le bon call, ben ça peut être choquant, c'est certain. Mm. Ça fait partie du sport. Ouais. Pour l'automne, je sais que tu as passé sur les médias sociaux un espèce de sondage. Est-ce que ça va se poursuivre jusqu'à l'automne ou on va arrêter ça? Moi, j'ai pris la décision de ne pas continuer. Okay. L'automne. Ouais. Je vais prendre un petit peu. J'ai été tout l'été là-dedans. Ça fait quand même longtemps que je m'occupe de ça avec l'aide de mon comité. Il va probablement y avoir des locations. Okay. Des matchs là, vraiment pour le fun. Et puis, cependant, moi, je vais donner un coup de main si les gars ont besoin, mais j'entrerai pas là, dans l'organisation d'une ligue d'automne. Je vais prendre un petit mois de septembre avant de recommencer le hockey là, plus tranquille. OK. Benjamin Thibault, très intéressant. Ça fut fort agréable. Puis au plaisir de se reparler. Puis gêne-toi pas l'an prochain. Hein. J'ai découvert votre ligue sur le tard. Mais ça me fait plaisir de communiquer avec toi les résultats de la ligue. Je pense à compter de l'an prochain. Ben écoute, merci beaucoup, Dan. Un plaisir de m'en parler. Ouais. Jonathan Thibault, le responsable de la Ligue de balle donnée de Robert Val.